Jean Loimzel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et rédacteur en chef des cahiers d'études africaines. Vous êtes de passage à Montréal pour le colloque intitulé « Des analyses tiers-mondistes aux études postcoloniales » organisé par le Centre d'études sur le droit international et la mondialisation. Dans votre ouvrage « L'Occident décroché, enquête sur les postcolonialismes », vous dressez une critique des penseurs associés à ce que vous appelez la pensée tricontinentale, à savoir les philosophies et les formes de réflexion issues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale et du Sud. Avant de discuter avec vous de l'un des sites de production intellectuelle alternative, le CODESRIA, le Centre pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, pouvez-vous, Jean Loimzel, nous dire quelques mots sur votre itinéraire d'anthropologue africaniste, itinéraire qui vous a amené de la déconstruction du concept d'ethnie à ce que vous dénommez le branchement des cultures? Oui, alors moi j'ai commencé ma carrière d'africaniste, enfin je suis un étudiant de Georges Balandier, et puis j'ai travaillé aussi avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est malheureusement disparu, Claude Meyassou. Donc j'ai commencé à travailler avec Claude Meyassou sur les systèmes économiques africains, et j'avais décidé de travailler sur le commerce à longue distance, de la cola, du poisson séché, fumé, du bétail, etc., dans une perspective d'anthropologie politique et historique. Et donc j'ai commencé, en fait, avant d'aller sur le terrain, à dépouiller les relations de voyage sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc ensuite, je suis allé sur le terrain au Mali, où j'ai travaillé sur une communauté marchande, les Koroko, qui font partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle les Doula, les commerçants traditionnels, entre guillemets, qui depuis des siècles font les échanges entre le Sahel, la savane et la forêt. Et ce qui m'a frappé donc lors de cette enquête de terrain, et puis ensuite lorsque j'ai commencé à travailler sur les Peuls, les Bambara, les Malinkés, les Sénoufo et les Minyanka, c'était au fond, contrairement à tout ce qu'on m'avait appris sur les bancs de l'université, c'était au fond l'extrême plasticité, souplesse, l'habilité des ethnies, des cultures, des traditions africaines, puisqu'on m'avait appris que bon, l'Afrique s'était divisée, l'Afrique subsaharienne, j'entends, déjà qui est une notion assez contestable, de séparation du Maghreb et du Sahara d'une part, de l'Afrique dite noire d'autre part, une division coloniale. Hein. On m'avait appris donc sur les bancs de la Sorbonne ou bien au Musée de l'Homme que l'Afrique était divisée, comprenait plusieurs centaines d'ethnies qui correspondaient à plusieurs centaines de langues et que chaque ethnie, chaque culture, chaque langue véhiculait, charriait des conceptions religieuses, politiques, économiques propres. Or, les travaux de terrain que j'ai entrepris au Mali pendant plusieurs années, même plusieurs décennies, m'ont amené à montrer que justement il y avait une très grande plasticité, avant la colonisation, une très grande plasticité, l'habileté, souplesse des appartenances identitaires, ethniques. Par exemple, on n'était pas peu le Bambara ou Malinké de toute éternité, mais qu'on le devenait. Hein, c'était, donc l'identité était un devenir. Donc, mais pas quelque chose de stable et de défini une fois pour toutes. Et de même, dans le système, dans le domaine politique, bon, moi, on m'avait appris qu'il y avait deux grands systèmes politiques en Afrique précoloniale, les sociétés sans État et les sociétés à État. Et là, à la lumière de mes travaux de terrain, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, on pouvait passer de société à État, de société sans État à des sociétés à État et inversement. Donc, et dans le domaine économique, on pouvait passer de l'autarcie à la petite production marchande et réciproquement, et qu'on pouvait passer du paganisme à l'islam et revenir ensuite au paganisme. Donc tout ça contredisait la vision d'une Afrique figée dans la tradition, et donc au contraire mettait sur le devant de la scène l'idée d'une Afrique éminemment historique, enfin ouverte au changement, un peu ce que les Américains appellent actuellement agency, enfin, donc de capacité de réponse des sociétés africaines à un environnement local, régional ou global. Donc ces sociétés africaines n'avaient cessé d'évoluer depuis la nuit des temps et donc n'étaient pas du tout des réceptacles de traditions totalement figées. Et donc, c'est pour ça que ça, Avec un certain nombre de collègues, on a fait d'abord un ouvrage de déconstruction de la notion d'ethnie, enfin au cœur de l'ethnie, qui est paru en 1985, qui a eu un certain écho, qui a suscité beaucoup de réactions et de critiques d'ailleurs, de la part d'anthropologues qui disaient mais au fond, qu'est-ce qu'il nous reste à étudier s'il n'y a plus d'ethnie ? Et j'ai prolongé ce travail dans un livre qui s'appelle Logique métisse pour montrer que justement, en fait, chaque culture était le lieu d'un syncrétisme originaire et qu'il n'y avait pas d'identité justement pérenne, pure, que toute identité était composite, métisse. Alors, dans un second temps, j'ai... Donc après avoir mis... Je crois que j'ai été le premier à utiliser cette notion de métissage en anthropologie, mais je me suis rendu compte rapidement que cette notion elle-même était critiquable parce que... pourquoi ? Ben parce que le métissage, en fait, si on réfléchit bien, suppose à l'origine des cultures pures. Pour qu'il y ait métissage, il faut qu'on partir de cultures pures. C'est un peu comme dans la zootechnie, c'est ce que nous apprennent aussi les spécialistes de l'élevage. Pour hybrider, il faut d'abord sélectionner des races ou des cultures pures, la race ovine, chevaline, etc., pour ensuite hybrider et ensuite parvenir à des rejetons plus résistants. Et donc je me suis dit, au fond, cette idée de métissage qui a pu paraître généreuse, disons, dans un premier temps, au fond, est assez critiquable parce qu'elle renvoie à une raciologie implicite. C'est pour ça qu'à la lumière d'un second ou d'un troisième travail de terrain, celui sur le mouvement nationaliste culturel Nuko, qui est présent au Mali, en Guinée, aussi en Égypte, j'ai abandonné cette notion de métissage pour lui substituer la notion de branchement, pour montrer que, en fait, il n'y avait pas de culture pure et que les cultures ne pouvaient pas s'analyser indépendamment les unes des autres et que chaque culture était le résultat d'un branchement, donc d'une dérivation de signifiés globaux et de transformation de ces signifiants globaux, pardon, et de transformation de ces signifiants globaux en signifiés particularistes. Donc on ne peut pas se définir culturellement uniquement par soi. Et pour soi, il faut prendre en compte les autres pour définir sa propre identité. Donc voilà un peu mon parcours d'ethnologue. Et au fond, l'appréciation critique que j'ai portée sur le postcolonialisme est au fond le résultat aussi de tout ce travail antérieur qui m'a permis un peu de désubstantialiser les entités et les identités africaines, ce qui n'est pas le cas, à mon avis, des théories post-coloniales. Justement, les théories post-coloniales, pouvez-nous les présenter, cette école de pensée dite post-coloniale ? Alors, pouvez-vous présenter aussi sa critique et peut-être la situer par rapport au mouvement de réflexion communément associé au tiers-mondisme ? Peut-être nous cadrer ce courant de pensée. Alors, je crois que vous venez de parler de tiers-mondisme, alors je crois que vous avez tout à fait raison, en sens que, au fond, le postcolonialisme est un peu l'héritier du tiers-mondisme et aussi des théories opposant le centre à la périphérie du système mondial. Donc, c'est l'héritier des théories des années 60 et des années 70 et d'opposition entre le nord et le sud. Au fond, c'est quoi le postcolonialisme ? C'est l'idée qu'on ne peut pas analyser tout ce qui se passe à la surface de la planète actuellement, quel que soit le lieu concerné par cette situation. On ne peut pas analyser ça si on ne tient pas compte de certains phénomènes majeurs qui sont intervenus dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la traite atlantique des esclaves, hein, et puis d'une part, et le colonialisme d'autre part. Tout est, en fait, pour les postcoloniaux, finalement, tout est explicable à l'intérieur de cette grille d'analyse, c'est-à-dire bon, de la traite esclavagiste, la traite atlantique esclavagiste et le colonialisme, ou les colonialismes anglais, espagnol, portugais, etc. etc. Donc, nous sommes dans une situation qui est la résultante justement de cette agression impérialiste que le Nord a commis dans le Sud. Et moi, je suis assez opposé à ce type de dualisme, nord-sud, centre-périphérie, l'ouest et le reste, vous voyez, comme dans le choc des civilisations de parce que je pense que d'une part, il faut analyser, effectivement, nous avons affaire aujourd'hui à des États, en un sens post-coloniaux, puisqu'ils résultent, par exemple en Afrique, des indépendances africaines, que finalement, s'en prendre uniquement à la domination, à l'hégémonie du Nord sur le Sud, pour expliquer les difficultés que connaissent un grand nombre d'États contemporains africains, à mon avis, c'est une échappée, enfin, ça consiste à opérer une échappée vers l'imaginaire, enfin, vers une conception un peu fantasmatique des rapports sociaux. C'est une espèce de dérivatif qui permet de canaliser la colère populaire vers le Nord, vers les Blancs, vers les anciennes puissances coloniales, au lieu de la diriger vers les dirigeants, africains contemporains, qui sont directement responsables aussi, ils ne sont pas directement responsables aussi, mais qui sont directement responsables du sort de leur population, enfin du malheur que ces populations connaissent. Et dans un sens parallèle, vous avez cette formule lapidaire, la lutte pour la reconnaissance a remplacé la lutte des classes. Vous pouvez me dire un peu plus ? Oui, alors je crois que de façon générale, et ça c'est propre à, disons, à la planète tout entière, je crois que depuis les années 60, la fin des années 60, du siècle précédent, on a assisté à un déclin de l'universalisme, du social, et on l'a substitué, et notamment du marxisme, et on a substitué au grand récit des Lumières, de l'hégélianisme et du marxisme, le récit de la lutte de classe notamment, des micro-récits qui ont été mis en œuvre par le postmodernisme, par les cultural studies nord-américaine et par le postcolonialisme, c'est tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire les gays, lesbiennes et queer studies, la théorie du fragment. Donc ces entailles verticales qu'on a implantées au sein de la société et qu'on a substituées au clivage horizontaux de classe. Alors je crois que ça c'est quelque chose qu'on observe un peu partout. Et qui, à mon avis, est très dommageable parce qu'on a abandonné justement le terrain du social, le terrain de l'universalisme, le terrain de la lutte de classe, et que je crois qu'il serait urgent d'y revenir. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre à la recherche d'un paradigme africain dans les sciences sociales à travers l'histoire du Conseil pour le développement de recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESRIA. Alors, pouvez-vous nous rappeler les enjeux qui ont présidé à sa création, à la création du CODESRIA, et nous présenter les grandes lignes de débat qui ont animé cette institution durant les 30 dernières années ? Alors, le CODESRIA a été fondé en 1973 par Samir Amin, qui est un économiste qui a été très connu, qui peut-être l'est un peu moins, un franco-égyptien. Donc, qui était justement, on parlait tout à l'heure du tiers-mondisme, de l'opposition entre centre et périphérie. Il faisait partie de toute une série d'économistes, comme André Gundert-Frank, etc., qui opposaient le centre et la périphérie du système mondial. Samir Amin est connu pour un livre qui s'appelle, il a écrit énormément de livres, mais un qui est particulièrement significatif, c'est l'accumulation à l'échelle mondiale, où il oppose justement le centre et la périphérie du système mondial. Bon, donc il a créé ce centre, ce CODESRIA, avec la volonté de définir un paradigme proprement africain pour les sciences sociales, de façon à acclimater les théories du développement formulées par les Occidentaux au contexte africain. Donc il formulait finalement une théorie africaine du développement. Alors bon, il n'est pas resté longtemps à la tête du CODESRIA, et ensuite il y a des anglophones qui sont arrivés à compris la direction de ce centre, et en fait ces anglophones étaient plutôt marxistes léninistes, donc anti-impérialistes, et puis donc ça a duré jusqu'en 1996, et en 1996 il y a eu une espèce de coup de tonnerre au sein du Code Estria. Et pour la première fois de son histoire, le Code Estria a vu arriver à sa tête un francophone, à la personne d'Achille Mbembe, qui est un auteur postcolonial bien connu, bien qu'il s'en défende, puisqu'il lui refuse de qualifier, de considérer comme un auteur postcolonial, qui lui a essayé d'instaurer au Code Estria un paradigme différent de celui qui prévalait, du paradigme marxiste-léniniste et anti-impérialiste qui prévalait jusque-là, c'est-à-dire un paradigme populiste. C'est un politologue, Achille Mbembe, et il s'est beaucoup inspiré des travaux de Jean-François Bayard et notamment de son livre L'État en Afrique, la pauvreté vivante, mais aussi d'un ouvrage qu'ils avaient édité ensemble qui s'appelait La politique par le bas. Ouais. Hein? Et donc il a essayé avec Mamadou Diouf, qui est un historien et aussi qui est maintenant professeur à Columbia à New York, et qui dirige l'Institut d'études africaines de cette université. Ils ont essayé de mettre en place une certaine forme de populisme dans le domaine politologique et dans le domaine historien, et donc qui a heurté de front tous les parrains du Code Estria, ce qui fait qu'au bout de 4 ans, finalement, Achille Mbembe est obligé de partir et que de nouveau, ce sont des anglophones qui ont pris le pouvoir au sein de cette institution. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au fond, la définition d'un paradigme africain dans les sciences sociales a sombré dans les eaux sombres d'un affrontement inattendu entre des marxistes-léninistes anti-impérialistes d'un côté, et des populistes politologues ou historiens de l'autre, ce qui est tout sauf africain. Et donc je pense qu'aussi, en dessous de cet affrontement, parce qu'un affrontement peut en cacher un autre, il y avait un autre affrontement concernant les relations qui existent en Afrique entre l'oralité et l'écriture. Certains prétendant qu'on ne pouvait pas analyser les cultures africaines sans tenir compte des écritures qui existent en Afrique, qu'il s'agisse des écritures coloniales ou de l'écriture arabe. D'autres disant, mais en fond, il faut justement se débarrasser de cette gangue écrite qui étouffe les cultures africaines pour en revenir à une vision plus ingénue, enfin plus primitive ou primitiviste des cultures africaines, qui est celle de culture orale. Ça, c'est plutôt la position de Mamadou Diouf. Et donc, il y a une vision qui fait pencher les cultures africaines du côté de l'écriture, les autres plutôt du côté de l'oralité. Mais en tout cas, ce qui est affirmé, c'est la position aussi de Paulin Mutonji. Et ça, c'est une position, à mon avis, assez dangereuse. C'est une position indigéniste, assez dangereuse, qui veut, au fond, à tout prix, préserver la spécificité et l'irréductibilité des cultures africaines. Et donc, qui veut les maintenir dans une espèce d'originalité fondamentale et principielle. Et moi, je crois que c'est une voie erronée, et qu'il faut aussi, au contraire, moi, insister, je crois, sur les ponts qui existent entre les cultures africaines et les cultures européennes. Et justement, je pense que la pensée de Michel Foucault, notamment dans tout son travail d'exhumation de la guerre des deux races, montre que la pensée de Michel Foucault peut être utilisée pour montrer que certaines théories du pouvoir qui étaient en vigueur en Europe, Moyen-Âge ou au-delà, peuvent trouver leur correspondante en Afrique. Par exemple, ce qui est frappant, c'est que dans le cadre de la théorie de la guerre des deux races, il y a l'opposition entre les autochtones et les conquérants. Et bien en Afrique, on retrouve cette opposition entre gens du pouvoir et gens de la terre, qui est au fond exactement du même ordre. Voilà. Donc je pense qu'on peut, en examinant bien les choses et en faisant un travail de terrain précis, on peut retrouver ce que les anglo-saxons appellent les commonalities, les universaux, qui transcendent justement les spécificités culturelles. Très bien. Jean-Louis Wenzel, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.